Le livre des Actes des Apôtres. Le livre des Actes constitue le lien indispensable entre le ministère terrestre du Seigneur décrit dans les Évangiles et la doctrine chrétienne exposée par les apôtres. Dans nos Bibles, le livre s'intitule « Les Actes des Apôtres », mais il serait plus juste de dire « Les Actes du Saint-Esprit par le moyen des apôtres », car le Saint-Esprit y occupe une place prépondérante. Lorsque Jésus-Christ s'était entretenu avec ses disciples dans la chambre haute juste avant sa mort, il leur avait dit « Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre Consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. » Évangile selon Jean, chapitre 14, versets 16 et 17. Le Saint-Esprit est éternel, il a donc toujours existé. Il était déjà à l'œuvre dans l'Ancien Testament. Mais alors, l'Esprit de Dieu se saisissait occasionnellement de certains hommes pour une tâche particulière, un ministère limité dans le temps. Il en était de même pour les disciples, lorsque le Seigneur Jésus était sur terre. Le Saint-Esprit agissait en eux et par eux, mais il n'habitait pas en eux de façon permanente. Avant de quitter ses disciples, le Seigneur leur annonça donc un fait nouveau. « Il sera en vous. » Cette promesse se réalisa le jour de la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit descendit pour habiter dans le cœur des croyants. Il n'est donc pas étonnant que tous les chapitres du livre des Actes des Apôtres gravitent autour de la personne et de l'œuvre du Saint-Esprit. En acte 1, les disciples attendent le Saint-Esprit, selon ce que le Seigneur a déclaré juste avant de monter au ciel. « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Actes, chapitre 1er, verset 8. Personne ne se doutait alors que par cette déclaration, le Seigneur traçait le plan littéraire du livre des Actes qui nous décrit successivement les Actes du Saint-Esprit à Jérusalem, chapitre 1 à 7, les Actes du Saint-Esprit en Judée et en Samarie, chapitre 8, et, avec les voyages de l'apôtre Paul, les Actes du Saint-Esprit jusqu'aux extrémités de la terre, chapitre 9 à 28. Au deuxième chapitre, le Saint-Esprit descend sur les apôtres sous la forme de langues de feu. Un miracle en résulte, ces hommes simples et pour la plupart sans instruction sont rendus capables de s'exprimer en diverses langues et annoncent à tous ceux qui sont à Jérusalem, juifs et étrangers, la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Le Saint-Esprit convainc de péché 3000 personnes qui se convertissent. C'est la naissance de l'Église primitive. Dans les chapitres 3 et 4 du livre des Actes, le Saint-Esprit opère de nouveaux miracles. Il guérit, par l'intermédiaire de Pierre et de Jean, un boiteux de naissance. Il inspire la prédication des apôtres et confond leurs adversaires. En acte 5, le Saint-Esprit écarte de l'Église naissante les éléments indésirables, en particulier ceux qui mentent au Saint-Esprit, comme Ananias et Saphira. En acte 6, le Saint-Esprit préside à la première organisation pratique de l'Église primitive. Acte 7 nous montre Étienne, rempli du Saint-Esprit, affrontant courageusement ses adversaires. Il sera le premier martyr du christianisme. En acte 8, le Saint-Esprit agit sur les foules de Judée et de Samarie, comme dans le cœur d'un ministre éthiopien venu à Jérusalem. Acte 9 décrit la conversion de Saul de Tarse, qui deviendra l'apôtre Paul. Le Saint-Esprit transformera ce grand ennemi de l'Évangile et il deviendra le plus puissant avocat de sa cause. Les chapitres 9 à 12 du livre des Actes nous décrivent l'œuvre du Saint-Esprit par l'intermédiaire de Pierre, d'abord à Lydde, puis à Joppé, enfin à Césarée, où Corneille, un officier romain, et les premiers païens se convertissent. Puis la persécution sévit, Jacques est mis à mort, mais Pierre est miraculeusement délivré de la prison et du supplice auquel Hérode le destinait. Ce monarque orgueilleux est alors frappé par Dieu de façon spectaculaire. Dès acte 13, nous assistons aux entreprises missionnaires de l'Église primitive. Le Saint-Esprit met à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle il les a appelés. Ils se rendent en Asie mineure. Partout sur leur passage, le Saint-Esprit inspire leur témoignage et sauve des âmes. Acte 14. Mais si la bénédiction se répand, l'ennemi conteste. Les adeptes de l'observation stricte de la loi de Moïse troublent l'Église et veulent la servir. Un premier concile doit être convoqué à Jérusalem. Acte 15. Là, le Saint-Esprit dirige les apôtres Paul et Jacques dans leurs exhortations. L'Église est ainsi préservée d'un grave danger. Le terrain étant purifié, le Saint-Esprit étend à nouveau son action vers le monde païen. C'est le deuxième voyage missionnaire de Paul. Cette fois, le Saint-Esprit le conduit de façon manifeste en Europe. Sa première étape est Philippe, où se convertissent Lydie, le geôlier de la prison et leur famille. Puis ce sont Thessalonique, Bérée, Athènes et Corinthe. Et après 18 mois passés dans cette ville, Paul retourne à Jérusalem et à Antioche, acte 16 à 18. Le troisième voyage missionnaire de l'apôtre Paul le conduit d'abord à Éphèse, où il passe 3 ans. Après une visite des églises d'Achaïe et de Macédoine, Paul s'arrête à Troas et à Milet avant de retourner en Palestine. De ville en ville, le Saint-Esprit l'avertit des tribulations qui l'attendent. À Jérusalem, il est arrêté. Les autorités romaines le protègent devant la haine des Juifs et il témoignera devant plusieurs rois et gouverneurs au cours de 2 ans d'emprisonnement à Césarée. Acte 19 à 26. Ayant été menacé d'être livré à ses bourreaux, l'apôtre avait été obligé d'en appeler à César. C'est donc comme prisonnier qu'il entreprend son 4e voyage, voyage mouvementé au cours duquel il aurait pu perdre la vie dans un naufrage. Mais Dieu prend soin de lui, car il doit témoigner pour Christ à Rome. Actes 27 et 28. Le Saint-Esprit a inspiré son serviteur dans ses divers voyages. Partout, des âmes ont été sauvées, des églises ont été constituées. En certaines circonstances, la manifestation du Saint-Esprit s'est traduite par des signes, des prodiges et des miracles, par des guérisons spectaculaires, même par l'exercice du don des langues. L'auteur de l'Épître aux Hébreux écrira, chapitre 2, versets 3 et 4, « Le salut annoncé d'abord par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. » Ces signes et ces miracles faisaient donc partie des démonstrations messianiques destinées avant tout à prouver aux Juifs que Jésus-Christ était bien le Messie annoncé par les prophètes. Cependant, dès que les apôtres se sont tournés vers les païens, les signes extérieurs ont été progressivement remplacés par le ministère de la parole de Dieu. Dans le livre des Actes, la parole de Dieu joue un rôle essentiel. Elle se répand avec force et par le Saint-Esprit, elle sauve des âmes, engendre des disciples, établit les croyants en Christ et apporte aux églises naissantes les certitudes dont elles ont besoin. Nous lisons en Actes, chapitre 6, verset 7. La parole de Dieu se répandait de plus en plus et le nombre des disciples augmentait. Le livre des Actes met donc en évidence le ministère décisif de la parole divine, parole écrite de l'Ancien Testament ou parole orale annoncée par les apôtres. Ainsi, les chrétiens de Bérée vérifiaient dans la parole l'exactitude du message qui leur était adressé. Ou bien Paul, après avoir exhorté les chrétiens d'Éphèse, les recommandait à Dieu et à la parole de sa grâce. Si en quelques années, le message de l'Évangile s'est propagé dans tout le monde civilisé, c'est en vertu de l'autorité de la parole divine sanctionnée par le Saint-Esprit. Vous désirez que Dieu agisse en vous? Sachez qu'il ne le fera pas sans utiliser la parole de Dieu. Avez-vous découvert l'importance de l'Écriture sainte pour vous personnellement? Permettez-moi de recourir à une illustration tirée précisément de ce livre des Actes. Au chapitre 27, Dieu intervient en faveur de Paul et de tous ses compagnons de voyage lorsque leur navire fait naufrage. Or l'apôtre a reçu de la part de son Dieu le message suivant. « Aucun de vous ne périra, et il n'y aura de perte que celle du navire. » Ce message inattendu, proclamé en pleine tempête à des hommes qui ont perdu tout espoir de se sauver, a été le moyen de leur faire reprendre courage. Et ce même message peut aussi vous faire reprendre courage aujourd'hui. Vous vivez également dans une tempête. Ce ne sont pas les éléments qui sont déchaînés, mais les événements économiques, sociaux et politiques qui bouleversent l'humanité tout entière. Or, Dieu voudrait vous dire aujourd'hui encore « Aucun de vous ne périra, et il n'y aura de perte que celle du navire. » Le navire, c'est ce qui est extérieur, c'est ce qui se voit. C'est peut-être ce corps duquel vous prenez beaucoup de soin, mais qui un jour sera détruit. La parole de Dieu s'adresse essentiellement à votre âme, cette partie invisible de votre être, qui en est pourtant la plus importante, parce qu'elle est indestructible, donc perpétuelle. Dieu ne veut pas que cette âme périsse, et Jésus-Christ est venu dans le monde pour la sauver. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Évangile selon Jean, chapitre 3, verset 16. N'avez-vous pas besoin aujourd'hui d'une parole de réconfort capable de garder votre cœur au sein de l'agitation de ce monde? Voulez-vous être préservé de la tempête des jugements qui viennent? Êtes-vous certain de passer l'éternité avec Dieu dans sa présence? Seule la parole divine peut vous apporter l'assurance spirituelle dont vous avez besoin. L'avenir ne vous appartient pas. Le monde court à sa perdition. Le naufrage est proche. Acceptez Christ maintenant et vous serez sauvés pour la vie et pour l'éternité. Au cours de ce mémorable naufrage, Paul avait dit à ses compagnons « Aucun de vous ne périra et il n'y aura de perte que celle du navire. » Puis il avait ajouté, Actes 27, 25, « J'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. » La parole de son Dieu lui apportait foi, sécurité, espérance. Et cette même parole peut vous apporter tout cela aujourd'hui même. Si la Bible vous dit que vous êtes perdu hors de Christ, elle affirme aussi que vous pouvez être sauvé par la croix de Christ et recevoir maintenant même la vie éternelle. Voulez-vous avoir cette confiance en Dieu qu'il vous sera fait comme il vous a été dit ?